Message de vie donné à comprendre. Bonjour à toutes et à tous. Si je me compare à un compas qui consiste à ouvrir davantage les branches de mon esprit en élargissant mon cercle, je peux élargir mon champ de vision, soit le réduire. La pointe, c'est la décision, le crayon, c'est la réalisation. Je vous propose d'en faire à nouveau l'expérience. Dans le voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage. Message de vie donné à comprendre. Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie. De nombreux chercheurs se sont attachés à définir la mystique. Les sages de l'humanité, les religions, les philosophes, les scientifiques et les psychanalystes ont nourri chacun à leur manière des systèmes de pensée pour tenter de comprendre ce phénomène. Mais le mystère demeure. Depuis la nuit des temps, nous essayons d'élargir notre champ de la conscience pour connaître le sens de notre existence. Dans la vision actuelle de l'être humain, il donne l'impression de tout connaître de lui et de se réduire à un objet de connaissance rationnelle pareil aux autres. L'homme est dans une transformation dont il n'a pas conscience. Ses besoins et ses désirs profonds ont été remplacés par des nécessités d'ordre consumériste et économique. Il est temps de relever l'autre problème qu'il pose. Le mystère de sa raison d'être. La personne humaine est plus mystérieuse que le monde. C'est qu'elle est tout un monde, écrivait Nicolas Berdiaev. L'une de nos sages se nomme aujourd'hui Lélie Anvar. Elle est chercheuse en littérature persane. Ses travaux sont principalement consacrés à l'étude de la littérature mystique et amoureuse. Mais qu'est-ce que la mystique ? Pour la décrire, même si les mots ont des notes d'or, le silence est plus doux encore car la solitude a sa propre lumière. Nous nous contenterons, dans ce voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage, de caresser seulement ses contours. Messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Comment accéder à l'universel pour connaître qui nous sommes ? On va dire que pour une première question, c'est une première question. Connais-toi toi-même. Alors, c'est cette parole en fait qui vient d'être citée. C'est une parole qui est inspirée par un dit du prophète Mohammed. Peut-être qu'il faut le resituer dans son contexte. Hein. Le prophète lui-même dit tout simplement « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Et par voie de conséquence, les soufis ont dit « Celui qui se connaît soi-même, enfin, en fait, connaît son Seigneur, connaît le monde, connaît la vérité et par conséquent accède à une forme d'universalité ». Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que ça part en fait philosophiquement de l'idée qu'il faut commencer par le petit pour arriver au grand. Il faut commencer par le détail pour avoir le général. Il ne faut jamais commencer par des idées générales. Il faut toujours commencer par ce qu'il y a de plus petit et peut-être par toucher ce qu'il y a de plus humble en nous-mêmes. Et c'est peut-être dans cette humilité-là, dans cette petitesse-là, qu'on pourra trouver la grandeur. Et donc, aussi par le particulier qu'on arrive à l'universel. Je ne crois pas du tout dans les discours qui partent de l'universel pour arriver aux individus et aux particuliers. Il faut toujours partir du particulier, d'une culture donnée, d'une langue donnée, qui, si elle est suffisamment inspirée, va mener à une idée qui est universelle, mais qui gardera quand même sa saveur particulière. Donc je pense que c'est ça l'idée profonde qui est développée dans cette parole. Message de vie, donné à comprendre. Mori le fadi fama ala mala tunya mela sema billahi lillah muhammadur rasulullah fama ba mu'minda mawala silama. tellement de là. La vie est précieuse et nous sommes pris par les tourments de la vie. Comment prendre du recul afin de réaliser une vie réussie? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile parce que j'ai pas de réponse toute faite pour ça. Je sais juste qu'il faut prendre du recul, mais alors comment on prend du recul? Peut-être que c'est à ça que servent les exercices spirituels recommandés dans toutes les religions et dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit des exercices d'oraison ou de méditation, de lecture spirituelle, de moments de contemplation aussi. Ça peut ne pas être ce qu'on appelle la méditation, ça peut ne pas être la méditation classique, mais tout simplement se poser un moment et regarder quelque chose de beau. Quand on est très avancé, on peut même regarder quelque chose de laid et d'y voir la beauté. En tout cas, je pense que toutes les pratiques spirituelles, des religions, des voies spirituelles, etc., sont faites pour justement nous apprendre à nous poser un moment. Et dans ce moment où on se pose, on arrive à prendre de la distance par rapport aux émotions qui nous submergent, aux difficultés que l'on rencontre. Et c'est à partir de cette préparation qu'on peut ensuite entrer dans une méditation sur ce qui nous arrive, sur notre vie, sur les difficultés. Éventuellement, si à nouveau, si on avance suffisamment, d'essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive, quel est le pourquoi positif et profond dans quelque chose de parfois très négatif. Donc voilà, c'est apprendre tout simplement à se poser et à se poser les bonnes questions, à se poser tout court et à se poser les bonnes questions. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Lélie Anvar. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Comment la sagesse nous apprend-elle à interagir avec les autres et de regarder l'autre avec d'autres yeux? En fait, c'est peut-être... C'est même pas que la sagesse nous permet de faire ça, c'est que c'est le fondement même de la sagesse. C'est ce qu'on appelle en fait la règle d'or. Et il y a des philosophes d'ailleurs qui ont travaillé là-dessus et qui se sont rendus compte qu'il n'y a pas une seule... pensée philosophique, une seule sagesse, une seule spiritualité, une seule religion produite dans le monde des humains, où que ce soit, quelle que soit leur culture, qui n'ait pas comme son fondement cette règle d'or, ça veut dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le deuxième temps de ça, c'est évidemment fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse, ce qui est peut-être un pas encore plus difficile. Dans un cas, on ne fait pas, dans l'autre, il faut carrément qu'on ait une démarche d'altruisme véritable. En tout cas, il est certain que c'est le fondement même de la morale, du vivre ensemble, de la considération de l'autre comme soi-même, et c'est le fondement, finalement, de ce qui va mener ensuite à cette révolution chrétienne, qui est non seulement de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, mais qu'en plus... il faut aller jusqu'à aimer son ennemi. Donc ça, c'est encore un pas de plus. Mais je crois que le fondement de « aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais » et « aimez y compris jusqu'à vos ennemis » a comme socle cette parole de sagesse universelle qui est justement la règle d'or. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Le mot amour est tellement galvaudé, pourriez-vous mieux nous expliquer ce sentiment? Pourquoi cherchons-nous l'amour à l'extérieur alors qu'il se trouve à l'intérieur? C'est bien ça le problème du fait que le mot amour est galvaudé. Il est galvaudé parce qu'on applique au bonbon le même mot que celui qu'on applique à Dieu. Donc évidemment, il y a une vraie difficulté. C'est, quand on dit j'aime les bonbons, ça veut évidemment pas dire la même chose que aimez-vous les uns les autres et encore moins aimez Dieu. Et c'est bien le grand problème de notre époque, c'est qu'on est dans une confusion totale confusion qui n'est pas au départ mauvaise, dans le sens où tous les grands mystiques vous diront que finalement l'expérience de l'amour doit commencer par des petites expériences de l'amour. Rumi dira par exemple que l'amour est une maladie à part, il est le secret, il est l'astrolabe des secrets de Dieu, que tu aimes, que ton amour soit de ce côté-ci ou de l'autre côté, qu'importe. À la fin, il saura t'amener au secret. Ça veut bien dire donc que les amours terrestres peuvent aussi être un moyen pour arriver à l'amour céleste. Mais le problème, c'est que notre époque s'intéresse à l'aspect terrestre et oublie complètement que cet amour terrestre, ou la beauté terrestre d'ailleurs, ne sont jamais que des signes, que des petits cailloux semés dans le monde pour qu'on puisse, à partir de ces signes, remonter vers celui qui, finalement, le seul mérite d'être aimé, donc ce que les Persans appellent « Jhanan », l'âme de l'âme, ou l'aimé âme de l'âme. Et donc c'est pour ça que c'est galvaudé, je pense, parce qu'on a oublié, on a pris la part terrestre, qui n'est jamais qu'un signe, et on a oublié la source, qui est l'essentiel. Et peut-être le moyen de sortir de cette difficulté, c'est précisément à nouveau d'entrer dans une véritable méditation sur ce que c'est que l'amour. Et à ce moment-là, on comprendra en effet que l'amour est un pacte qui a été passé entre Dieu et les humains. Alors j'utilise le mot Dieu parce que, à défaut d'autres mots, je sais bien qu'il est chargé, je sais bien qu'il est allergène parfois et qu'il est difficile. Mais en tout cas, voilà, disons avec l'un, peut-être encore mieux que Dieu. Donc c'est un pacte qui a été passé entre l'un et les humains. Et ce pacte est un pacte d'amour. Et nous avons été créés par un acte d'amour qui a été celui de la création divine, de la part du Créateur. Et par conséquent, oui, vous avez raison. En réalité, la vraie source de l'amour, elle est en nous-mêmes, puisque nous sommes nous-mêmes porteurs de ce souffle divin qui nous a créés dans un geste d'amour. Message de vie donné à comprendre. Gandhi nous disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Lely Anvar. Pour aller plus loin, il ne serait pas plus juste de devenir soi pour que le monde soit ? de devenir soi pour que le monde soit. Pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Nous changer pour que le monde change, mais changer par rapport à quoi ? Manger mieux, penser mieux, avoir de la compassion. Il est peut-être plus préférable de devenir soi-même au naturel pour que le monde soit. Oui, mais le problème du naturel, c'est que ça dépend quel naturel on a. Je veux dire, être soi au naturel, c'est pas toujours ce qu'il y a de préférable. Je pense quand même que le travail spirituel est fait pour changer. Alors, peut-être pour retrouver une origine authentique qui est la nôtre, comme je disais, qui est divine. Mais le problème, c'est que cette vérité de nous-mêmes est tellement recouverte de pulsions plus négatives les unes que les autres et plus envahissantes les unes que les autres, que c'est difficile de dire devenir soi. Alors, il faut bien entendre ce qu'on entend par devenir soi, parce qu'il y a des gens qui sont soi eux-mêmes et ils sont un petit passablement sans gêne et c'est très désagréable. Donc il faut faire très attention à ces notions-là. Je pense que ce que disait Gandhi était très profond, dans le sens où ce qu'il veut dire, évidemment ça veut dire devenir son soi véritable, peut-être que c'est peut-être ça le mot juste, devenir ce pourquoi on est sur Terre, devenir humain véritablement, c'est ça qu'il veut dire. Quand il veut dire soit le changement que tu veux voir advenir, ça veut dire si tu veux voir régner dans le monde l'humanité et la compassion, il faut d'abord que tu développes en toi-même l'humanité et la compassion. Le problème, c'est que nous les avons, bien sûr, l'humanité et la compassion en nous, en tant qu'êtres humains, mais il n'est pas certain que nous les ayons suffisamment développées pour qu'on puisse les trouver aussi facilement. Je pense que quand même, il y a un travail à faire, qui est un travail de maîtrise des passions, un travail sur nos pulsions, et un travail d'ouverture à l'autre, et ce n'est pas toujours facile. Quand on commence ce travail, on se rend compte que ce n'est pas facile, on est éprouvé, je dirais, et on le voit très bien. Par exemple, c'est très facile d'aimer, par exemple, les gens qui nous sont proches. D'aimer les gens que nous aimons, c'est pas très difficile. Mais essayez d'aimer celui qui vous agresse dans la rue juste parce que vous vous êtes mal garé. Je dis des choses extrêmement simples, exprès. Mais parce que Gandhi partait de là. Gandhi partait de lui-même, toujours. Il disait, aujourd'hui, dans son autobiographie, c'est merveilleux. Il dit, aujourd'hui, j'ai eu telle mauvaise pensée. J'ai eu tel mouvement de l'âme. Et à la fin de sa vie, il dira, peut-être que si j'ai pas pu assez changer le monde, c'est que je n'avais pas assez d'amour en moi. Et bien, ce qui nous empêche d'y aller, c'est précisément l'ego. C'est pour ça que je disais, il faut faire attention. Parce que quand on dit, je veux être soi, il faut faire attention de ne pas devenir son ego. Un petit ego sur pattes qui ne veut que servir ses propres intérêts, ce que nous avons tous tendance à être. Il suffit de voir les enfants qui pourtant sont des êtres purs, sont des êtres compassionnels, sont des êtres lumineux de naissance. Ils sont innocents à la naissance, mais vous voyez à quel point ils sont déjà potentiellement cet ego à venir qui veut quand même tout pour lui. Il veut prendre le jouet de l'autre, tout innocent qu'il est, l'enfant est déjà potentiellement un prédateur. Donc, et c'est ce prédateur-là qu'il faut très vite lui apprendre à maîtriser pour qu'il développe justement cette autre dimension de lui-même qui est celle de la compassion. Et je crois d'ailleurs, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je fais juste une petite digression, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de ça dans notre travail d'éducateur, quel que soit, que ce soit en tant que parent ou si on est professeur ou quelle que soit notre situation dans la vie, à chaque fois qu'on est en situation de parler à un enfant, il faut être très conscient que l'enfant a potentiellement en lui l'infini du bien et l'infini du mal. Et c'est ce qui fait que nous sommes humains d'ailleurs. C'est pas notre capacité seulement à faire le bien qui fait de nous humains, c'est aussi notre capacité à faire le mal, car aucun animal ne fait le mal comme les humains peuvent le faire. Je crois vraiment que c'est une spécificité humaine et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais croire que l'enfant, jusqu'à un certain âge, il est pur et il n'y a rien de mal en lui. Il n'y a rien de mal dans le sens où il n'y a pas de responsabilité du mal. Quand il fait quelque chose de mal, il n'est pas conscient. Donc, d'ailleurs, les traditions spirituelles nous disent que ce n'est pas compté dans son compte. S'il fait quelque chose, s'il tape un autre enfant, s'il le mord, etc. Néanmoins, il a cette potentialité en lui. Un enfant, il y a beaucoup d'enfants qui mordent, par exemple, leurs camarades, parce qu'ils veulent quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas innocent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la potentialité du bien infini. Ça veut dire qu'il a en lui cette chose, cette part de ténèbres que nous devons tous reconnaître, avoir en nous. Parce que si on ne le reconnaît pas, alors il y a un gros risque qu'on lui lâche la bride. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage, en présence de Lely Anvar. Quelle serait la voie royale pour dépasser notre ego ? Et quel travail faudrait-il faire pour aller plus loin ? Il n'y a pas de voie royale, il n'y a que la voie la plus humble. Ce serait bien présomptueux, après tant de siècles de réflexions de grands mystiques qui nous ont tous dit qu'il n'y a pas de voie royale, que je puisse vous dire qu'il y a une voie royale. Peut-être le premier pas, c'est d'être conscient qu'il n'y a pas de voie royale. Et de comprendre à nouveau qu'il faut commencer par le plus petit, il faut commencer par le plus quotidien. Et je crois vraiment que c'est ça. C'est-à-dire, si on se dit, c'est une chose d'orgueil terrible de dire, bon, bah, moi maintenant, je vais trouver une méthode, un moyen, je vais faire un travail qui va faire que l'année prochaine, je serai débarrassée de mon ego. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si on commence comme ça, c'est qu'on est déjà, on a bien commencé dans l'ego. Même la réussite spirituelle fait partie des désirs les plus subtils de l'ego. Donc, déjà, soyons très prudents de ce point de vue-là. Et donc, la voie, comme je disais, est une voie d'humilité. C'est de commencer justement par faire cette analyse de tout ce qui, en moi, est manquement. Et je dirais pas mal, d'ailleurs, j'ai employé le mot mal tout à l'heure, j'ai peut-être eu tort. C'est du manque à être, en fait. Qu'est-ce qui, au quotidien, à chaque fois, chaque geste que je fais, est-ce que je le fais pour avancer vers cette vérité ou cet idéal que j'ai en tête, ou en tout cas, cet idéal étant justement l'évidement de soi. Donc c'est complexe en fait, c'est quelque chose d'idéal qui est en fait de l'effacement, de l'anéantissement d'une certaine façon. Et ce qui est très étrange, c'est que ce travail d'humilité se dirige vers une plénitude d'être. Je crois vraiment que le seul péché, le seul vrai péché, c'est de manquer à l'être. L'être étant évidemment ce qui englobe toute chose, c'est l'un, c'est l'existence. Et je pense absolument que tout est saturé d'être et que par nos manquements, nous vidons l'être en fait. Nous vidons d'être nous-mêmes. Et c'est bizarre parce qu'en même temps, il faut faire... anéantir l'ego, hein. Mais c'est en anéantissant l'ego qu'on fait de la place à l'être. Je sais pas trop comment le dire parce que c'est assez subtil en fait. Je m'attendais pas à des questions aussi subtiles. Mais ce sont les questions que tu poses. Je sais. Je sais. Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie. Yeah. Quelle est la nuance entre le soi et le moi ? Message de vie, donné à comprendre. Alors le soi et le moi, je pense que peut-être c'est pas... Il n'y a pas une... Ça dépend des traditions en fait. Si on entend par moi l'ego, évidemment il y a une très grande différence entre l'ego et le soi. C'est-à-dire le soi, c'est ce que les philosophes appellent la quiddité, ça veut dire c'est le sentiment d'identité. C'est le fait qu'on est soi-même, c'est le je pense donc je suis, je ressens donc je suis. C'est ce qui fait que chaque individu a une singularité radicale et absolue qui fait qu'il est distinct pour toujours de tous les autres individus du passé et à venir. Donc ça, c'est vraiment le soi. Et curieusement, ce soi qui est si singulier est relié au grand soi, à l'être dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, auquel il est relié, et plus il va lutter contre son ego, et je vais revenir donc du coup sur la notion d'ego, plus il va développer ce soi qui est ce que j'appelais en fait ce plein d'être en réalité. Et donc, ça va le faire participer au grand être. Les mystiques parleront de fusion, d'union, etc., de sentiments de sentiments océaniques, hein, dont parlait même Romain Rolland, qui n'était pas particulièrement connu pour être un mystique. Ça, c'est plutôt le soi. Donc, c'est le sentiment d'identité qui est relié à l'être absolu et total. Le moi ou l'ego, c'est plutôt ce qu'on appellera le petit moi, ce que j'appelle moi plutôt le petit moi. C'est ce qui fait que je ne vois que moi à la surface des choses. C'est-à-dire que c'est cette infime conscience que j'ai, vraiment une tête d'épingle de sentiment d'être ou d'exister, qui fait que je veux tout ramener à moi. Et je veux moi, et c'est encore moi, et je veux posséder, et je veux être, et je veux paraître, et je veux... Il est très différent du soi. C'est-à-dire le soi, c'est vraiment un sentiment profond d'identité et de relation avec l'autre, alors que le moi, il tourne en rond, c'est comme un point, qui n'a pas de dimension. Le point, c'est rien. C'est aucune dimension. Et plus il est petit, plus il se croit gros. Et c'est ça qui est étrange. Et donc, plus il est petit, plus il a d'ornements, et plus c'est difficile de l'évacuer. Et alors là, on peut peut-être, sinon donner une citation, au moins parler du plus grand mystique qui a mis ça vraiment en valeur, en tout cas en islam, c'est Hallaj, donc qui est mort qui a été condamné à mort en 922, donc qui a été martyrisé vraiment pour avoir dit je suis le vrai, donc Analhaq, le vrai étant avec un V majuscule, étant un des noms de Dieu dans la tradition musulmane. Et alors, on lui a reproché, bien sûr, d'avoir dit ça, parce que quelqu'un qui se prend pour Dieu, c'est quand même un petit peu embêtant. Et lui, il répondait à ces dénégats, aux gens qui le traitaient d'hérétique, en disant « C'est vous qui êtes les vrais hérétiques, puisque vous dites qu'il y a moi et toi, ou moi et lui, comme si Dieu était une entité à part et que vous étiez une entité à part. » La véritable unicité, la véritable affirmation de l'unicité, qui est quand même le cœur de l'islam, c'est de dire où il n'y a plus qu'un « je » ou un « tu » ou un « il », mais en tout cas, il ne peut pas y avoir plusieurs pronoms. Il n'y a que de l'être, qu'un seul être, et moi, je suis annihilé, je ne suis plus, donc je ne suis plus que lui. Et il travaille beaucoup sur cette question de pronoms, et il dit, mais vraiment, c'est hérétique de dire « lui », puisque ça veut dire que moi, j'existe face à lui, mais moi, je ne suis plus face à lui. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus que de lui. Où il n'y a plus que du moi, à ce moment-là, il n'y a plus de lui. Donc voilà, il faut choisir un pronom et s'y tenir. Message de vie donné à comprendre. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. À la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. Écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES Plus Loin Sage, en présence de Lélie Anvar. La parole des femmes a été confisquée au profit de celle des hommes, et nous connaissons surtout des figures masculines dans la mystique. Existe-t-il la mystique féminine? Toi par exemple? Moi je ne sais pas, parce que moi je vais dire non, puisque je vais vous donner une réponse qui va vous montrer pourquoi non. Je pense que les vrais mystiques sont ceux dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est pour ça qu'on entend si peu parler des femmes. Peut-être que les vrais, c'était des femmes. Les vrais grands mystiques s'arrêtent de parler. Ils font silence, ils ne font pas une œuvre. Et d'ailleurs, dans l'épilogue de son Cantique des oiseaux, Attard, le grand poète, qui a quand même donné tout le cheminement de l'âme, qui a expliqué ce que c'était que la voie de l'amour, qui était vraiment un des plus grands poètes mystiques qui ait jamais existé, à la fin donc de son chef-d'œuvre qu'est le Cantique des oiseaux, il dit « Au fond, j'aurais peut-être dû me taire. » Parce que parler, faire une œuvre poétique, c'est faire preuve d'ego. C'est le fameux ego. Dire « je », dire « j'ai quelque chose à vous dire », dire « j'ai fait un chemin et je dois vous le donner ». Alors oui, Attard était un grand poète mystique, mais lui-même se demande s'il est allé au bout de la mystique puisqu'il a parlé. Et peut-être que c'est pour ça que les femmes ont si peu parlé. Parce que les femmes, quand elles font quelque chose, elles le font vraiment jusqu'au bout. La mystique, c'est s'anéantir. Elles se sont anéanties et plus personne n'a entendu parler d'elles. Donc, si j'étais une vraie mystique, je ne serais pas là à répondre à vos questions. Je serais comme le papillon déjà brûlé dans la chandelle et je ne pourrais plus parler. Placez-vous dans le monde de la femme. Quel genre de femme êtes-vous? Ça, c'est des questions difficiles. Quel genre de femme? Ce qui est sûr, c'est que je suis très heureuse d'être une femme. Je pense que malgré les difficultés sociales que les femmes rencontrent, et peut-être d'ailleurs que ces difficultés sociales sont liées à la puissance du féminin qui les habite, justement, les femmes ont une puissance de réception, je dirais. Une capacité à recevoir, à être en empathie profonde avec le monde, qui fait que je n'échangerai pas ma place contre beaucoup de puissants de ce monde qui sont des hommes. accueilli dans notre émission Leyli Anvar, chercheuse en littérature persane et maître en conférence de langue à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle a écrit de nombreux ouvrages, dont deux livres avec Frédéric Lenoir, « Sagesse de notre temps » et « Voix d'espérance ». Je vous invite à découvrir aussi, à travers elle, ses ouvrages de poésie persane consacrés à Rumi et à Farid od-Din Attar dans le « Cantique des oiseaux » aux éditions Diane de Sellier. Pour ma part, je vous convie à revenir la semaine prochaine pour un autre envol aux confins du voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage. À bientôt, bye.